الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toujours dans le livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. La semaine dernière on avait طيب qui nous récite le hadith de Aïcha رضي الله عنها qui nous le récite. Personne ne l'a appris. Soufiane. Hamid. Abdurrahman. Qu'est-ce qu'on fait? On continue le cours ou on arrête? La condition, c'était que le hadith d'avant soit appris par cœur, au moins par une personne, pour pouvoir continuer l'explication du reste des hadiths. Attends, je vais le réciter pour cette fois-ci. Et... Inch'Allah, les prochaines fois, il faudrait au moins qu'une personne connaisse. An Aisha radiallahu anha, قالت, خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصلى بالناس فأطال القيام, ثم ركع فأطال الركوع, ثم قام فأطام القيام, دون القيام الأول. Corrigez-moi si je me trompe. ثم ركع فأطال الركوع دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف وقد انجلت الشمس ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ لمسلم فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وأربع سجدات ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السادس والأربعون بعد المئة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره رواه البخاري. Le 146e hadith. Selon Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, il dit: une éclipse solaire a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est levé effrayé. Il s'est levé en ayant peur que ce soit l'heure. Jusqu'à arriver à la mosquée, il s'est mis debout et a prié et resté longtemps debout, longtemps en inclinaison et longtemps en prosternation. Et Abu Musa al-Ash'ari dit « Ma ra'aytuhu yaf'aluhu fi salatin qat » Je ne l'ai jamais vu faire ainsi dans une prière, c'est-à-dire rester aussi longtemps debout en inclinaison et en prosternation. ثم قال, puis il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci ou ces signes qu'Allah envoie n'ont pas lieu à cause de la mort d'une personne ou de sa vie ou de sa naissance, mais Allah envoie ses signes pour faire peur à ses serviteurs. Lorsque vous voyez ces signes ou une partie de cela, empressez-vous au rappel d'Allah, à son invocation et à sa demande de pardon. رواه البخاري ومسلم. الغريب أن تكون الساعة يجوز في الساعة الرفع على أن تكون على أن تكون تامة والنصب على أنها ناقصة فزعا منصوب على الحال ووجه فزعه أن تكون الساعة ثالثا فافزعوا بفتح الزاي قال في المجمل فزعت وأفزعني أي لجأت وأغاثني وقال المبرد في الكامل الفزع في كلام العرب على وجهين أحدهما ما تستعمله العامة يريدون به الذعر والآخر الالتجاء والاستصراخ. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Antakuna sa'a, professeur sallam, s'est levé précipitamment en redoutant que ce ne soit l'heure. As-sa'atu, il est autorisé qu'elle soit, que le terme sa'a soit marfou' ou qu'il soit mansoub. Il est marfou' si on considère takun comme naqisa. Et elle est marfou' lorsque l'on considère takun comme étant tam. Et pour ceux qui veulent les détails, qu'ils reviennent à la science de la grammaire. Car takun peut être complète ou incomplète, et en fonction de sa complétude ou de son incomplétude, eh bien, son khabar est soit marfour, soit mansoub. Fazi'an, professeur Sam s'est levé précipitamment. Et ce qui explique sa précipitation ou sa frayeur, c'est le fait de redouter que ce ne soit l'heure. Et al-faza a deux sens dans la langue arabe. Le premier sens, c'est utiliser le mot faza pour décrire une personne ou un sentiment d'effroi ou de peur. Et le deuxième sens de al-faza' qui est utilisé dans le sens de réfugié, de ce fait de se réfugier ou d'appeler au secours. Al-ma'na al-ijmali. Kana min 'adati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha hasala taghayyurun fi al-'awalim al-kawniyah min rihin shadidah aw ra'din qasif أو كسوف أو خسوف حصل عنده خوف من العذاب من عذاب الله تعالى أو يحل بهذه الأمة ما حل بالأمم السابقة ممن أهلك بالصواعق أو الريح أو الطوفان ولذا لما حصل خسوف الشمس قام فزعا لأن معرفته الكاملة بربه أوجبت له أن يصير منه كثير الخوف شديد أن يصير منه كثير الخوف شديد المراقبة فدخل المسجد فصلى بالناس صلاة الكسوف فأطال فيهم إطالة لم تعهد من قبل إظهار للتوبة والإنابة فلما فرغ المصطفى صلى الله عليه وسلم من مناشدته ربه ومناجاته توجه إلى الناس يعظهم ويبين لهم أن هذه الآيات يرسلها الله عبرة لعباده وتذكيرا وتخويفا ليبادروا إلى الدعاء والاستغفار والذكر والصلاة وتقدم تحكم هذا الحديث الذي قبله قال ابن دقيق العيد قوله فافزعوا إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به إلى ما أمر به وتنبيه على الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء والاستغفار إشارة إلى أن الذنوب تسبب البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة وإشارة إلى أن الاستغفار والتوبة سببان لمحو الذنوب وسبب لزوال المخاوف. Le sens général du hadith. Il était de l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque arriver un changement dans le monde céleste, le monde des astres, comme vent violent, ou comme tonnerre, ou éclipse lunaire ou solaire. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pris d'une peur du châtiment d'Allah. Il était pris d'une peur que le châtiment d'Allah ne touche sa communauté, comme le châtiment d'Allah a touché les communautés précédentes, qui ont été éradiquées et détruites par des éclairs, par des vents, par des inondations. C'est pour cela que lorsque l'éclipse solaire a eu lieu, il s'est levé précipitamment, sallallahu alayhi wa sallam, car sa connaissance de son Seigneur est parfaite. Une connaissance qui implique le fait qu'il redoutait beaucoup, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait beaucoup peur. C'est ainsi qu'il est entré dans la mosquée. Il a présidé la prière de l'éclipse. Il a allongé cette prière d'une façon qui n'était pas connue précédemment. Ceci afin de montrer le repentir et le retour. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, dans laquelle il s'est adressé à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il s'est alors tourné vers les gens afin de les exhorter et de leur expliquer que ces signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie, Allah les envoie afin que ses serviteurs retiennent la leçon, afin qu'ils se rappellent et qu'ils craignent, afin qu'ils s'empressent à invoquer, à demander le pardon, à évoquer le nom d'Allah et à prier. Et les jugements ou les règles relatifs à cette prière ont été cités dans le hadith précédent. Le hadith de Aïcha radiallahu anha. Al-Imam ibn Daqiq al-Aïd rahimahullah a dit, et sa parole fafza'u, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fafza'u, empressez-vous. Ceci, dans ce terme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer qu'il faut s'empresser à aller vers ce qu'Allah nous a ordonné de faire. Et cela est également une remarque pour montrer que le fait de revenir vers Allah dans des situations de peur, de revenir vers Allah en l'invoquant, en lui demandant le pardon, que le fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal, que l'on doit s'en remettre à Allah Azza wa Jal dans des moments comme celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne également de nous empresser pour nous montrer que les péchés sont une cause qui apporte les épreuves et les châtiments immédiats ou qui vont venir plus tard. Et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fafza'u, empressez-vous, est aussi une parole qui nous montre que le fait de demander le pardon à Allah Azza wa Jal et de se repentir sont deux causes qui permettent de pardonner les péchés et de dissiper toute peur et toute terreur. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الصلاة الاستسقاء. Puis l'auteur رحمه الله ouvre le chapitre de la demande de la pluie. هو لغة طلبك السقيا لنفسك أو لغيرك وشرعا طلبها من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص صلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب التي تشرع عند وجود سببها كالكسوف وصلاة الجنائز، وسببها تضرر الناس بالقحط من انقطاع الأمطار أو طهور الآبار أو جفاف الأنهار. الاستسقاء dans la langue arabe signifie le fait de demander de l'eau à soi-même ou à autrui. Pour soi-même ou pour autrui, afwan. De demander de l'eau pour soi-même ou pour autrui. Et al-istisqa dans l'islam signifie de demander l'eau à Allah lorsqu'il y a une situation de disette, de famine, d'aridité de façon particulière. Et la prière de la demande de la pluie fait partie des prières qui ont une cause, qui ont lieu lorsqu'il y a une cause. Comme la prière de l'éclipse ou la prière mortuaire. Quand est-ce qu'on fait la prière de l'éclipse? Quand il y a une éclipse. Quand est-ce qu'on fait la prière sur le mort? Quand il y a un défunt. Et quand est-ce qu'on fait la prière de la pluie? Lorsqu'il y a la sécheresse, la famine, la disette et autres. Et la cause, wasababuha, qu'est-ce qui amène à faire la prière de la pluie? C'est le fait que les gens soient tadarrurun nas bil qahth. Comment dire? Le fait que les gens subissent le mal du fait qu'il n'y ait plus de pluie ou de l'assèchement des pluies et des rivières. Lorsque les gens sont lésés, lorsqu'ils sont touchés par la coupure de la pluie ou par l'assèchement des puits et des rivières. الحديث السابع والأربعون بعد المئة. Le 147e حديث. عن عبد الله بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. رواه البخاري ومسلم وفي لفظ أتى المصلى البخاري ومسلم. Selon Abdullah ibn Asim al-Mazini, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour demander la pluie. Il s'est dirigé en direction de la Qibla et a invoqué. Puis, il a retourné son rida, qui est le vêtement supérieur, puis a prié deux unités de prière dans lesquelles il a lu à voix haute. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version, rapportée par Al-Bukhari et Muslim également, le prophète sallam s'est rendu à la Musalla. Al-Ma'na al-Ijmali. Lama ajdabat al-ardu fi ahdi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kharaja bin nasi ila al-Sahra liyatlub al-Suqya min Allah. Fatawajjaha ila al-Qibla mazannat qabool al-Dua. وأخذ يدعو الله أن يغيث المسلمين ويزيل ما بهم من قحط وتفاؤلا بتحول حالهم من الجدب إلى الخصب من الضيق ومن الضيق إلى السعة حول رداءه من جانب إلى آخر ثم صلى بهم صلاة الاستسقاء ركعتين جهر فيهما بالقراءة لأنها صلاة جامعة. Le sens général du hadith. Lorsque la terre est devenue aride au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti avec les gens à l'extérieur afin de demander l'eau à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est dirigé vers la Qibla, l'endroit vers lequel l'invocation est exaucée, ou un moment ou une posture dans lequel l'invocation est exaucée. وأخذ يدعو et le professeur a invoqué Allah afin qu'il fasse tomber la pluie pour les musulmans et que la sécheresse qui les touche se dissipe. وتفاؤلاً التفاؤل c'est l'optimisme. وتفاؤلاً بتحول حالهم من الجدب إلى الخصب ومن الضيق إلى السعة. Et le prophète sallam a fait tafa'ul, inshallah, j'essaierai de vous expliquer plus en détail ce que signifie at-tafa'ul, car ce n'est pas comme pourrait le comprendre certaines personnes comme étant la bonne augure ou la mauvaise augure. At-tafa'ul, c'est plus de l'optimisme. Car ici, le prophète sallam espère du changement du comportement des gens, un changement de leur situation. Le fait que les gens se repentent et demandent à Allah Azza wa Jalla de leur pardonner, cela est un acte qui permet d'espérer qu'Allah change la situation dans laquelle ils sont, de la difficulté vers la facilité, de la sécheresse vers la pluie et l'abondance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a retourné son vêtement supérieur, c'est-à-dire qu'il l'a mis à l'envers. Ceci également, le même est tafa'ul, pour montrer un changement de situation de la personne et espérer de ce changement de situation de la personne le changement de la situation qui touche les musulmans. Puis le professeur Hassan a prié avec les gens la prière de la pluie de deux raka'at dans lesquelles il a lu à voix haute, car c'est une prière accomplie en groupe. Ma yukhadhu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Awwala mashru'iyyatu salati al-istisqa وأجمع العلماء على أن استحبابها على استحبابها إلا أبا حنيفة فإنه يرى أن الاستسقاء يشرع بمجرد الدعاء وخالفه أصحابه. Premièrement, le retient de ce hadith qu'il est légiféré de faire la prière de l'istisqa, la prière de la pluie, de la demande de la pluie. Et les savants sont unanimes sur le fait qu'il est recommandé et préférable de faire cette prière de la demande de la pluie, sauf l'imam Abu Hanifa, qui lui considère que la demande de la pluie, il est autorisé de la faire uniquement en invoquant Allah, et non pas en priant. Et ses partisans l'ont contredit dans cela. Donc le seul qui a contredit la prière de l'istisqa, c'est l'imam Abu Hanifa, رحمه الله تعالى. ثانيا أنه يشرع لها خطبة تشتمل على ما يناسب الحال من الاستغفار والتضرع والدعاء والزجر عن المظالم والأمر بالتوبة. Deuxièmement, on retient ce hadith qu'il est légiféré de faire une khutba, qu'il y a dans la demande de la pluie une khutba, il y a une prière et un discours. Un discours qui doit comporter ce qui est en rapport avec la situation, à savoir de demander la demande du pardon, de demander le pardon à Allah Azza wa Jal, de s'humilier devant la grandeur d'Allah et devant sa puissance, d'invoquer Allah, de s'éloigner de toute forme d'injustice et ordonner aux gens de se repentir. ثالثا أن تكون الخطبة قبل الصلاة وقد ورد في بعض الأحاديث. ففي مسند الإمام أحمد أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم وعن الإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات. أولا تقديم الصلاة، ثالثا وعكسها ثانيا وعكسها ثالثا وجواز الأمرين. Troisièmement, on tient ce hadith que la khutba se fait avant la prière, comme cela est rapporté dans certains hadiths. Parmi ces hadiths, dans le Musnad de l'imam Ahmed, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé la prière avant la khutba. A commencé la prière avant la khutba. وهو مذهب جمهور العلماء. Et c'est l'avis de la majorité des savants. Donc l'avis de la majorité des savants, c'est que la prière se fait avant la khutba. Que l'imam prie, puis ensuite il fait la khutba. Et c'est l'avis de la plupart des savants parmi Al-Shafi'iyya et Al-Hanabila. Et il y a trois versions de l'imam Ahmed qui citent l'une, l'autorisation de faire la prière avant la khutba, la deuxième version de faire la khutba avant la prière, et la troisième version, l'autorisation de faire les deux. À Kulihal, sur ce sujet, il y a une certaine légèreté, une certaine souplesse sur le fait de faire la prière avant la khutba ou de faire la khutba avant la prière, et l'avis de la plupart des savants est que l'on commence par la prière et qu'ensuite on fait la khutba. Rabi'an, istiqbal al-qibla 'inda ad-du'a li'annaha madhannat al-ijaba. Quatrièmement, de se diriger en direction de la qibla au moment de l'invocation, car c'est un moment d'exaucement. Le fait d'invoquer Allah Azza wa Jalla en direction de la qibla est une situation qui permet ou qui facilite l'exaucement de cette invocation. Khamisan, mashru'iyyatu tahwil ar-rida' athna' ad-du'a, tafa'ulan bi tahawul halihim min al-qahth wal-jadb ila ar-rakha' wal-khisb. Cinquièmement, qu'il est légiféré de retourner ses vêtements pendant l'invocation. Et ceci en guise d'optimisme, tafa'ulan. En guise d'optimisme, dans le changement de leur situation, de la sécheresse vers la pluie, et de la difficulté vers la richesse et la fertilité des sols. Sadisan, al-jahru fi salat al-istisqa. Et à la kulhal, sur cela, le fait de retourner les vêtements, il y a une divergence des savants. Certains savants disent que cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que c'est propre à l'imam. Que c'est uniquement l'imam qui retourne ses vêtements et non les gens. C'est l'avis de Cheikh l'Albani, rahimahullah, entre autres. Mais la majorité des savants considèrent que le fait de retourner les vêtements et demander à l'imam comme à l'ensemble des gens qui ont assisté à cette prière. Sadisan, al-jahru fi salat al-istisqa'i bil-qira'ah, wa hadha sha'nu kulli salatin takunu jami'ah kal-jum'ati wal-'idayn wal-kusuf. Sixièmement, on retient de ce hadith que la prière doit être fait, que la lecture pendant la prière de la demande de la pluie se fait à voix haute. Et ceci est le cas dans toute prière qui est faite en groupe, comme la prière de l'Jumu'ah, comme les prières des deux fêtes, comme la prière de l'éclipse. Sabi'an, an takuna salatuha fi s-sahra, et tattasi'a lin-nas, wal-yubrizu bida'fihim wa ajzihim amam Allah, Septièmement, on retient de ce hadith que la prière de la demande de la pluie se fait dans un terrain vague à l'extérieur, afin que cet endroit puisse contenir les gens, et également afin que les gens puissent exprimer leur faiblesse et leur incapacité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci en levant les mains de l'humilité et de la pauvreté vers Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثامن والأربعون بعد المئة عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس رواه البخاري ومسلم قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري الضراب الجبال الصغار والأكام جمع أكمة وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة ودار القضاء دار عمر رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه Le 148e hadith qui devrait être appris pour la semaine prochaine. Selon Anas رضي الله عنه Il dit qu'un homme est rentré à la mosquée le vendredi de la porte qui est à proximité de la maison appelée Darul Qada. Darul Qada, la maison du remboursement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout en train d'exhorter. Cet homme est venu et s'est placé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis a dit, ô envoyé d'Allah, les troupeaux périssent et les routes sont désertes. Invoque Allah afin qu'il fasse tomber la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Anas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains et a dit, ô Allah, fais descendre la pluie. Ô Allah, fais descendre la pluie. Ô Allah, fais descendre la pluie. Anas a dit, par Allah, il n'y avait dans le ciel aucun nuage, ni même une parcelle de nuage. Il n'y avait entre nous et celle qui est le nom d'une montagne à proximité de Médine, aucune habitation ni maison. Autrement dit, rien ne cachait leur vue. Ils voyaient le ciel parfaitement et ils voyaient très bien qu'il n'y avait aucune trace de nuage. Qala et Anas dit radiallahu anhu. Puis un nuage est venu de derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant la forme d'un bouclier. Puis il est venu, puis ce nuage s'est placé au milieu du ciel. Puis s'est élargi et a laissé la pluie tomber, et a fait tomber la pluie. Il dit, par Allah, nous n'avons pas vu le soleil pendant une semaine. Puis il dit, Anas radiallahu anhu, puis un homme est rentré de la même porte que le vendredi dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout en train d'exhorter, c'est-à-dire le jour du vendredi, Cet homme s'est mis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, ô envoyé d'Allah, les troupeaux périssent et les routes sont désertes. Invoque Allah afin qu'il arrête la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains et a dit, ô Allah, autour de nous et non sur nous. Ô Allah, sur les collines et les montagnes et sur les vallées et les lieux dans lesquels poussent les arbres. Anas radiallahu anhu dit, فأقلعت. La pluie s'est arrêtée sur le champ et nous sommes sortis et nous marchions sous le soleil. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال الشريك, شريك, un des rapporteurs du hadith, a dit, j'ai demandé à Anas, est-ce que c'était le premier homme? Il a dit, je ne sais pas. C'est-à-dire, l'homme qui est venu le deuxième vendredi, était-ce le même que celui qui était venu le premier vendredi? Il a dit, je ne sais pas. Al-Gharib, le terme qui mérite explication dans le hadith. Awalan darul qada, darul li'umar. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيعت لقضاء دينه بعد وفاته غربي المسجد. Premièrement, دار القضاء, la maison du remboursement. C'est la maison de Omar رضي الله عنه. C'était une maison appartenant à Omar رضي الله عنه qui a été vendue pour rembourser ses dettes après sa mort رضي الله عنه. Et c'est une maison qui se situait à l'ouest, côté ouest de la mosquée. ثانياً يورثنا هو بالجزم لأنه جواب طلب. ثالثاً ولا قزعة. القزعة القطعة الرقيقة من السحاب بفتح القاف والزاي. سلع بفتح السين وسكون اللام جبل قرب المدينة. وهو في الجهة الغربية الشمالية منها وقد دخل الآن في العمران. Le terme qaza'a, qui est une parcelle, une petite parcelle de nuages. Lorsque Anas a décrit le ciel, il a dit qu'il n'y avait aucun nuage, et pour éclaircir encore plus ce qu'il voit, il n'y avait ni nuage ni même un petit morceau de nuage. Il n'y avait pas de nuage que grand comme petit. Sal'a, qui est le nom d'une montagne à proximité de Médine, qui se trouve au nord-ouest de Médine, et qui maintenant, que les habitations ont maintenant rattrapé. Ou qui est maintenant au milieu des habitations. Khamisan at-Tours. صحيفة مستديرة من حديد يتقون بها في الحرب ضرب السيوف. الترس في ثنا الحديث سي لو بوكليي. Et Cheikh Al-Bassam dit c'est une plaque ronde en fer qui leur permettait de se protéger des coups d'épée pendant la guerre. الأكام والضراب, الأكام التلول المرتفعة من الأرض والضراب الروابي والجبال الصغار ومفرد الأكام أكماه والضراب جمع ضرب بفتح الضاء وكسر الراء. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a invoqué Allah عز وجل, ô Allah, autour de nous et non sur nous, ô Allah, sur les collines et les montagnes. الأكام والضراب, الأكام ce sont des collines, des monticules qui sont élevés au-dessus du sol, et al-dhirab, ce sont plus des montagnes, mais qui restent des montagnes petites. Ma ra'ayna ash-shamsa sabtan, et nous n'avons pas vu le soleil un samedi, si l'on traduit littéralement. Bikasri as-sini wa fathiha, ya'ni usbu'an min bab tasmiyat ash-shay'i bi ba'dihi. Lorsque Anas radiallahu anhu a dit, nous n'avons pas vu le soleil un samedi. Ici, il voulait dire une semaine. Et comme le dit Cheikh Al-Bassam, il a voulu dire une semaine en citant une partie de celle-ci. En citant un jour de celle-ci. Et ça, c'est c'était utilisé par les Arabes, le fait de citer la partie d'une chose pour vouloir dire cette même chose. يمسكها يجوز فيه الرفع ويجوز الجزم في جواب الطلب. Et ici, le Cheikh Al-Bassam explique qu'on peut dire يمسكها lorsque l'homme a dit فادعوا الله أن يمسكها عنا. On peut dire يمسكها ou يمسكها. المعنى الإجمالي. كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب في مسجده يوم الجمعة. ودخل رجل فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله مبينا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الشدة والضيق بسبب انحباس المطر الذي جل معيشتهم عليه وطلب منه الدعاء لهم بتفريج هذه الكربة هلكت الحيوانات من عدم الكلاء وانقطعت الطرق فهزلت الإبل التي نسافر ونحمل عليها ولكونك القريب من الله مستجاب الدعاء أدعو الله أن يغيثنا فبالغيث يزول عنا الضرر ويرتفع القحط فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغيثنا 3 مرات كعادته في الدعاء والتفهيم في الأمر المهم ومع أنهم لم يروا في تلك الساعة في السماء من سحاب ولا ضباب إلا أنه في أثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم طلعت من وراء جبل سلع قطعة صغيرة فأخذت ترتفع فلما توسطت السماء توسعت وانتشرت ثم أمطرت ودام المطر عليها 7 أيام حتى إذا كانت الجمعة الثانية دخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فقال مبينا أن دوام المطر حبس الحيوانات في أماكنها عن الرعي حتى هلكت وحبس الناس عن الضرب في الأرض والذهاب والإياب في طلب الرزق فادعوا الله أن يمسكها عنا أن يمسكها عنا فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ثم قال ما معناه اللهم إذا قدرت بحكمتك استمرار هذا المطر فليكن حول المدينة لا عليها ليضطرب الناس في معاشهم وتسير بهائمهم إلى مراعيها وليكون نزول هذا المطر في الأمكنة التي ينفعها نزوله من الجبال والرواب والأودية والمراعي وأقلعت السماء عن المطر فخرجوا من المسجد يمشون وليس عليهم مطر فصلوات الله وسلامه عليه. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout en train d'exhorter le jour du vendredi dans sa mosquée. Un homme est entré et s'est mis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam puis a dit « Ô envoyé d'Allah » pour expliquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam la difficulté et la détresse dans laquelle il était à cause de la rupture de la pluie dont dépend leur vie et leur pourvoyance, Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer en leur faveur afin de lever sur eux cette contrainte et cette difficulté. Les troupeaux ont péri. Les troupeaux périssent à cause du manque d'herbe et de fourrage. Les routes sont désertes et les chameaux se sont amaigris, des chameaux avec lesquels l'on voyage et sur lesquels l'on transporte nos marchandises. Pourquoi est-ce que les routes étaient désertes? Non, les routes qui en général sont empruntées par les gens pour venir, partir, revenir, vendre, acheter. Et les gens à l'époque du professeur Hassan utilisaient beaucoup les chameaux. Mais à défaut de fourrage et de nourriture pour le bétail, eh bien, il ne peut se déplacer, il ne peut supporter la charge des marchandises. Puis Cheikh Al-Bassam dit, « Et parce que tu es proche d'Allah, et parce que ton invocation est exaucé, invoque Allah afin qu'il nous donne la pluie. Car avec la pluie, nous ne souffrirons pas. Et la sécheresse sera levée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors levé ses mains et a dit, oh Allah, fais descendre sur nous la pluie à trois reprises, comme ceci était son habitude sallallahu alayhi wa sallam dans l'invocation, et également ceci était dans son habitude sallallahu alayhi wa sallam pour montrer l'importance d'une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait montrer l'importance d'une chose, il l'a répété à trois reprises. Et alors qu'à ce moment, aucun nuage, ni même brume, n'était visible dans le ciel, juste après l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un nuage est apparu de derrière la montagne de Salah, qui était tout d'abord petit. Puis ce nuage s'est élevé et s'est placé au-dessus du ciel, au milieu du ciel. Puis il s'est élargi, puis a fait tomber la pluie. Et la pluie est restée pendant 7 jours. La pluie est tombée pendant 7 jours. Jusqu'au vendredi suivant. Un homme est entré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout en train d'exhorter les gens. Et cet homme a dit, pour montrer que la persistance de la pluie a bloqué les animaux le bétail qui ne peut se rendre dans l'endroit du pâturage jusqu'à ce qu'elle périsse. Et que cette pluie a emprisonné les gens et les a empêchés de voyager sur terre, de partir et de revenir dans le but de demander la pourvoyance et dans le but de rechercher leur pourvoyance. Invoque donc Allah afin qu'il stoppe la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors levé ses mains et a dit, selon le sens, « Oh Allah, si tu as décrété par ta sagesse la continuité de la pluie, alors que celle-ci soit aux alentours de Médine et non sur Médine, afin que les gens puissent vivre et subvenir à leurs besoins, et afin que les bétails puissent se rendre dans leur pâturage, et que cette descente de la pluie se fasse dans des endroits qui sont profitables, comme des endroits dans lesquels qui sont profitables comme les montagnes, les plaines, les vallées et les pâturages. La pluie s'est arrêtée et les gens sont sortis de la mosquée en marchant sans qu'il n'y ait de pluie. Que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ma yukhadu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Awalan, مشروعية الخطبة قائما وإباحة مكالمة الخطيب وتقدم في الجمعة هذا البحث. Premièrement, le retient de ce hadith qu'il est légiféré de faire la khutba debout et qu'il est autorisé de s'adresser au khatib, au prêcheur, à celui qui fait la khutba. Et cela a été cité dans le chapitre de l'Jumu'ah. ثانيا, مشروعية الاستسقاء في الخطبة واقتصر عليها أبو حنيفة بدون صلاة والجمهور على أن الاستسقاء يكون بصلاة خاصة وخطبة الجمعة وفي الدعاء وحده. Deuxièmement, on retient de ce hadith qu'il est légiféré de demander la pluie pendant le discours du vendredi. Et c'est ce qu'a restreint l'imam Abu Hanifa. On a dit que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, ne voit pas la prière de la demande de la pluie, mais uniquement l'invocation. Et la majorité des savants sont de l'avis que la demande de la pluie peut se faire par une prière spécifique, la prière de la demande de la pluie, lors du discours du vendredi, mais aussi en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement. ثالثا رفع اليدين في الدعاء لأن فيه معنى الافتقار وتحري معنى الإعطاء فيهما وقد أجمع العلماء على رفعهما في هذا الموقف واختلفوا فيما عداه فبعضهم عداه إلى كل حالة دعاء وبعضهم قصره على المواطن الوارد فيها قال الحافظ ابن حجر إن في رفع اليدين في الدعاء مطلقا أحاديث كثيرة عند البخاري والمنذر والنووي. Troisièmement, il est légiféré de lever ses mains dans l'invocation de la demande de la pluie. Car il y a dans le fait de lever les mains une forme de faiblesse. La personne montre qu'elle est faible et qu'elle est dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants sont unanimes sur le fait qu'il est légiféré de lever ses mains à ce moment, au moment de la demande de la pluie. Et ils ont divergé sur les autres moments. Certains élargissent le fait de lever les mains à toute invocation, et d'autres considèrent que l'on lève les mains uniquement dans les endroits qui ont été rapportés et dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains. Al-Hafidh ibn Hajar dit, il y a dans le fait de lever les mains pendant les invocations, de façon inconditionnelle, beaucoup de hadiths rapportés par Al-Bukhari, Al-Mundhiri, in Al-Bukhari wa Al-Mundhiri wa Al-Nawawi, comme cela est cité par l'imam Bukhari, l'imam Al-Mundhiri et l'imam Al-Nawawi. رابعا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة من كراماته الدالة على نبوته فقد استجيب دعاؤه في الحال في جلب المطر ورفعه. Quatrièmement, on tient ce hadith un miracle parmi les miracles du prophète صلى الله عليه وسلم et un prodige parmi ces prodiges qui prouve sa prophétie. Car son invocation a été exaucée sur le champ lors de la demande de la pluie et lors de la demande de sa suspension. خامسا إن فعل الأسباب لطلب الرزق من الدعاء والضرب في الأرض لا ينافي التوكل على الله تعالى. Cinquièmement, on retient de ce hadith que le fait de mettre en œuvre les causes pour demander la pourvoyance, comme invocation ou comme parcours de la terre, ne contredit pas le fait de placer sa confiance en Allah. Au contraire, le fait de faire les causes permet de compléter le tawakkul. On l'a vu ça. Un affaire de l'asbab, تكميل للتوكل أو من تمام التوكل. Donc le fait de faire les causes permet de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal de façon complète. سادسا استحباب الدعاء بهذا الدعاء النبوي لطلب الغيث. Sixièmement, qu'il est recommandé de dire cette invocation prophétique lorsque l'on demande la pluie. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Et l'autre invocation qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vendredi suivant. Sabi'an, jawazu l'istisqa'i inda d-darari bil-matar. Wa khussa baqa'u l-matari ala l-akami wa dhirabi wa butoni l-awdiyah. Li'annaha awfaqu l-zira'ati wal-ra'i. في شواهق الجبال التي لا تنال إلا بمشقة. Septièmement, qu'il est autorisé de demander la demande de la pluie lorsque l'on subit des préjudices à cause de la pluie. Ici, le prophète Sam a-t-il invoqué lorsque cet homme s'est plaint que la pluie avait empêché le bétail de se rendre dans son pâturage et les gens d'aller accourir à leurs occupations? Oui. Et le professeur sallam a cité les monticules, les collines, les petites montagnes, les vallées, car a cité cela si la pluie devait persister, car cela est plus profitable pour les cultures et pour les pâturages. Et le professeur sallam a cité également les hauteurs, les montagnes, car les hauteurs des montagnes ne peuvent être atteintes que avec difficulté. Et l'eau qui tombe dans la montagne, qui tombe sur la montagne, est-ce qu'elle arrive au final ou pas? Oui, elle arrive et elle est profitable. Et cette pluie qui tombe sur, dans les hauteurs des montagnes ne porte pas préjudice à l'être humain, car les êtres humains qui veulent atteindre les hauteurs des montagnes ne le feront que avec grande difficulté, donc cela ne concernera que un nombre infime de personnes. ثامنا جواز طلب الدعاء ممن يظن فيهم الصلاح والتقى وهذا التوسل الجائز. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التوسل إلى ثلاثة أقسام: اثنان جائزان، الأول طلب دعاء الله من الحي الذي يظن فيه الخير، الثاني التوسل بفعل الأعمال الصالحة، فهذان القسمان مشروعان، أما الثالث فممنوع وهو التوسل بجاه أحد من المخلوقين حيا أو ميتا، فهذا لا يجوز لأنه من وسائل الشرك. Huitièmement, on tient de ce hadith qu'il est autorisé de demander l'invocation à celui envers qui l'on pense du bien, envers une personne que l'on considère comme étant vertueuse et pieuse. Et ceci est un tawassul autorisé. Un tawassul, c'est une forme de... c'est de prendre un intermédiaire entre soi et Allah pour demander une chose. Et il y a un tawassul qui est autorisé et le tawassul qui est interdit. Et Cheikh Al-Bassam nous résume la parole de Cheikh Al-Islam Tamia, qui a un livre qui est sans doute le meilleur livre écrit à ce sujet sur le tawassul, dans lequel il répond aux ambiguïtés de ceux qui utilisent le tawassul sur prétexte qu'il est autorisé de d'invoquer des morts, etc., etc. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah divise le tawassul en deux sortes autorisées et une interdite. Les deux sortes autorisées, la première, c'est de demander l'invocation d'Allah à une personne vivante envers qui l'on pense du bien. Tu demandes à une personne en qui tu penses du bien qu'elle invoque Allah en ta faveur. La deuxième sorte de tawassul qui est autorisée, c'est de vouloir une chose et de prendre comme intermédiaire un acte pieux que tu as fait. Comme les trois qui étaient bloqués dans la grotte. Chacun a voulu et a demandé à l'Azogel d'enlever la pierre ou le rocher qui obstruait l'entrée de la grotte. Et chacun a justifié ou a pris comme intermédiaire un acte pieux qu'il a fait durant son vivant. Est-ce que j'ai dit demander à une personne vivante? J'ai dit vivante, hein. Et la troisième sorte qui est interdite, c'est le fait de demander, de prendre comme intermédiaire le statut ou la place d'une personne ou d'une créature. Par exemple, de dire « Oh Allah, je te demande par la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam de me donner telle et telle chose. » Ceci est un tawassul qui est interdit, que cette personne soit vivante ou qu'elle soit morte. Tu n'as pas le droit de dire, par exemple, envers une personne que tu considères pieuse, « Oh Allah, je te demande par la piété de telle personne de m'accorder telle chose. » Ceci est un tawassul interdit, que cette personne soit vivante ou morte, car c'est un des moyens qui amène au shirk. Un des moyens qui amène au shirk. C'est pour ça que ceux qui font le tawassul envers les morts, ils disent, moi je n'invoque pas le mort. C'est un mort, c'est un saint. Il a vécu, c'était un pieux, etc. Et moi je dis, oh Allah, je te demande par cette personne, par la stature, la place, le statut de cette personne, de m'accorder telle chose. Ceci est un tawassul interdit, qui est une lettre recommandée en livraison rapide vers le shirk wa l'ayadu billah. On aktafi bi hadha al-qadr, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.